Maria Paula, jodia m'a mandé au pardon. Pardon pour ça moins faire, pardon pour tout ça m'a connu. Belle Maria Paula, c'est ou même qui souce la vie moins. Ou c'est l'an même c'est poisson, ou c'est l'an moins c'est papillon. Maria Paula, jodi a m'a demandé au pardon. Pardon pour ça moins faire, pardon pour tout ça m'a connu. Belle Maria Paula, c'est ou même qui souce la vie moins. Ou c'est l'an même c'est poisson, ou c'est l'an moi c'est papillon. Paula m'a demandé au pardon, Paula m'a genou dans pied. Paula bingo qui est moins. Tout qui te m'a va mourir. Pour là où c'est soleil moins. Chaleur qui pourrait chauffer. Lumière qui pourrait bon chemin. Chemin la mort ou la vie. Genou nan pie ou Pola pingo ki te mwen. Sou ki te ma va mouri. Pola ou se soleil mwen. Chaleur ki pou rechauffe. Lumière ki pou bon chemin. Chemin la mort ou la vie. Pola mwen reme ou. Maria Pola mwen reme ou. Pola m'adore. Maria Pola m'adore ou. Pola mwen reme ou. Maria Pola. Thank you. la pa quitte moi. Mi on est moi, dolo de moi. Maria pour la madoreo. Mi on est moi, caresse moi. Maria pour la madoreo. C'est papillon. Nous c'est l'homme, mais moi c'est poisson. C'est l'homme, moi c'est poisson.